sommes au Camp Plein. La plaine, c'est une montagne. On est tous là. Tu peux rappeler Jules pour lui dire où on est? Il a essayé de me joindre là. C'était le même maire avant, il y a 5 ans. Avant, il y a 5 ans. Oui, c'est 25 ans qu'il est maire. Ouais. Donc, avant les 5 ans, ça faisait quand même longtemps qu'il n'y avait pas de travaux. Oui, il en manque un peu quand même. C'est... Ici, les derniers travaux, par exemple, ici, c'était aux années 80. Enfin, ils ont fait les parkings souterrains, ils ont ramené la place. Est-ce qu'on est tous là? Ouais. Il en manque, il en manque, c'est sûr. Hein. Fred est pas là, il y a Lina, il y a aussi, comment il s'appelle, Nicolas Capone. Nicolas Capone, il y a... Fred est disparu. Bah, il était là, il était... Mmh.